faut qu'on vienne en ramasse. Combien nous n'y de quoi c'est pas sous et bagaille. Si on vit des trucs de malade, tout le temps de Denis Antimal bagaille. Et ça devient potent si ça fait quoi si on m'alliasse. De coup tu veux coller pas sous et bagaille. Oui, là ça peut partir en carnage. Mais j'ai mes frères autour de moi, Antimal bagaille. Hey, ou en baboula, ou t'en lundi et pitof. Grand frère est sorti, petit bisou pour la prof. Dis-moi c'est combien la loque, dis-moi combien y'a de chevaux. Rien n'a changé sauf la longueur de mes cheveux et moi. En vrai j'suis souvent sous, en vrai j'suis souvent seul. C'est vrai des fois ça pue, mais tout est sous contrôle. Et j'ai tué le match d'un triplé avant la mi-temps. Fais pas le grand, on sait très bien que t'es un clip. Enfoiré, j'ai perdu ton salaire du mois dans mon VIP. Enfoiré, y'a pas un qui connaît pas t'offre dans la ville. Plutôt fort en calcul que des chiffres dans la tête. Ici c'est pas la croisière, on s'amuse du doigt. On te fait ta fête, on passera temps. Tu veux savoir combien on ramasse. Combien nous n'y de côté pas sous et bagaille belle. Si on vit des trucs de malade, tout le temps de Denis Antimal bagaille belle. Et ça devient important si ça fait gosser au malias. De coup tu veux voler pas sous et bagaille belle. Oui, là, ça peut partir en carnage. Mais j'ai mes frères autour de moi, Antimal bagaille belle. D'un petit, je veux pas te couler dans mes potes. On arrive en équipe, on prend tout, on s'échappe. Elle aime faire des bêtises quand c'est deux jambes, j'ai quatre. Scalope dans le jean, tout est impeccable. J'ai vu trop Draclos enculé, aujourd'hui plus rien ne m'étonne. Mon joint de weed est bien roulé, je suis avec Titoff au Dom-Tom. La neuzo est bien quadrillée, la focus a fait chou blanc. La neuzo est bien quadrillée, la focus a fait chou blanc. Pas de pitié comme la poque, j'ai le cœur bousillé. Deux, trois billes dans la chop, c'est bon tout y est. Pas de pitié comme la prof, j'ai le cœur bousillé. Pour m'en sortir, je vois la dope, putain de roubillé. Tu veux savoir combien on ramasse. Combien nous n'y de côté pas sous et bagaille belle. Si on vit des trucs de malade, tout le temps de Denis Antimal bagaille belle. Et ça devient important si ça fait quoi si on m'alliasse. De coup tu veux coller pas sous et bagaille belle. Rien ça peut partir encore.